Section 51 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 10, deuxième partie. L'enseignement, les sciences et les lettres savantes. Suite. Par Charles-Victor Langlois. L'enseignement et les méthodes. Les facultés de médecine et de droit ne jetèrent aucun éclat, au XIIIe siècle, sur l'Université de Paris. En 1219, la fameuse décrétale d'Honorius III, super specula, prohiba à Paris l'enseignement du droit romain, en vue d'y fortifier les études théologiques. Seul l'enseignement du droit canonique fut autorisé dès lors, et la faculté de droit de Paris ne fut qu'une faculté de décret ou de droit canonique. Mais la connaissance des lois romaines étant nécessaire pour la bonne interprétation des règles canoniques touchant le fort extérieur, cette faculté décapitée ne fit que végéter. On ne trouve aucun maître parisien parmi les canonistes de marque du Moyen-Âge. Les universités de ce temps-là n'avaient pas la prétention d'enseigner la totalité de la science. Chacune d'elles avait, au contraire, sa spécialité. On allait à Montpellier pour apprendre la médecine, à Orléans, à Bologne, pour apprendre le droit. Paris était la grande école théologique et philosophique de la chrétienté occidentale. À la fin du XIIe siècle, la cause de l'humanisme, inutilement défendue par Jean de Salisbury et ses amis, semblait perdue en raison des progrès de la méthode dialectique. Elle l'était en effet. On ne se préoccupera plus désormais de savoir le latin littéraire, celui de Cicéron et de Virgile. On se contentera du latin usuel, barbare, que les théologiens doivent entendre et parler, et on l'enseignera suivant les procédés qui règnent maintenant sans partage dans l'école. Des grammairiens nouveaux, Alexandre de Villedieu, Évrard de Béthune, succèdent à Priscien et à Donna. Quels sont leurs procédés? Ils mettent tout en question et discutent la négative des propositions les plus évidentes. Sophismata. Ils prennent toujours leur point de départ dans les abstractions, jamais dans l'étude de l'usage. La grammaire, chez eux, n'est plus l'art de parler et d'écrire correctement. Elle est devenue une science purement spéculative, ayant pour but non d'exposer les faits, mais d'en expliquer les raisons par les premiers principes, une métaphysique hérissée, subtile, puérile. À la fin du XIIe siècle, une autre cause, plus précieuse encore que celle des belles lettres, semblait compromise, celle de la philosophie et de la raison. En effet, Abélard avait enseigné que la théologie doit être traitée suivant la méthode des philosophes. On lui avait obéi, mais sans écouter ses conseils de prudence. Elle n'en avait pas tardé à produire, dans l'école, au scandale de l'Église, des nouveautés dogmatiques. Ces excès de la logique appliquée à la théologie avaient effrayé de bonne heure les orthodoxes, qui avaient conclu à la condamnation d'une méthode si dangereuse. Les écoliers, disait Absalon de Saint-Victor, s'enflent d'une vaine philosophie, mais à quoi sert-il de disputer sur les idées de Platon et de relire le songe de Scipion? À quoi servent ces sophismes inextricables qui sont de mode, cette fureur de subtilité où beaucoup se sont perdus? Il y a maintenant, disait Étienne de Tournai, autant d'erreurs que de docteurs. La logique, disait Gautier de Saint-Victor, est l'art du diable. Évitons, disait Pierre le Chantre, toutes les superfluités. Évitons ces sottes questions que l'on fait sans règle à propos des textes sacrés et qui engendrent des procès. Le XIIe siècle, si hardiment platonicien en sa jeunesse avec Thierry et Bernard de Chartres, se fit moine, en vieillissant comme ce maître Cerlon de Huillon, dont les mystiques aimaient à raconter l'aventure, qui renonça, pour le silence du monastère, aux vains applaudissements de ses écoliers de Paris. croire ce que l'Église enseigne avec la foi du charbonnier, vivre suivant les règles de la morale, s'abîmer dans la contemplation et dans l'amour de Dieu, voilà ce que recommandaient, à la fin du XIIe siècle, les théologiens de l'école de Saint-Victor. À quoi bon savoir? À quoi bon penser? Les ennemis de la théologie contentieuse ont toujours été nombreux au Moyen-Âge, mais jamais ils n'ont joui d'un plus grand crédit qu'alors. Ils applaudirent au décret synodal de 1210, confirmé en 1215 par le légat Robert de Courson, qui chassa Aristote de l'école. « Nec libri aristotelis de naturali physiologia, nec commenta legantur. » Mais ils eurent bientôt à gémir de la décision de Grégoire IX, ce pape éclairé, qui leva en 1231 les prohibitions de 1210 et 1215. Chose curieuse, leur opposition, qui paraissait formidable au commencement du règne de Philippe Auguste, fut réduite très vite à l'impuissance. Elle ne réussit même pas, à vrai dire, à retarder sensiblement les grandes destinées de l'aristotélisme scolastique. L'événement qui imprima l'impulsion initiale à l'évolution philosophico-théologique des écoles du XIIIe siècle, c'est l'apparition des écrits jusqu'alors inconnus d'Aristote et des commentaires arabes de ses écrits, qui, traduits en latin, furent apportés d'Espagne ou de Byzance par des voyageurs, des marchands et des missionnaires. La métaphysique, la physique, Hippocrate, Galien, Ptolémée, Averroès, Avicienne, etc. Parmi nos docteurs, les uns s'attachèrent de préférence à l'étude de la subtile ontologie qui leur était ainsi révélée. Ils raffinèrent sur la théologie générale de l'être, des conditions et des degrés de l'être. Les autres furent surtout frappés par les notions nouvelles de physique que les textes ressuscités leur firent connaître. De là, deux grands courants de pensée. D'une part, le courant métaphysique, de l'autre, le courant scientifique. Entre les métaphysiciens du XIIIe siècle, il y a de profondes différences que nous n'essaierons même pas de caractériser ici. Ceux-là même qui, s'étant proposé de concilier Aristote et la foi, se sont maintenus dans les bornes de l'orthodoxie, comme Guillaume d'Auvergne, Alexandre de Halles, Jean de La Rochelle, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Bonaventure, Pierre d'Espagne, Henri de Gand, Duns Scot, pour ne citer que les plus grands noms. Ce groupe en plusieurs écoles, dont les doctrines sont très tranchées. Mais au-delà des bornes fixées par l'Église aux fantaisies spéculatives, s'étendait un champ immense où l'on pouvait s'égarer en tous sens. Au lendemain même de l'introduction des commentaires grecs et arabes, David de Dinan et Amaury de Ben se perdirent dans le panthéisme. Le bûcher fit justice de leurs partisans. Mais d'autres chimères surgirent. Il faut lire la liste des 219 propositions condamnées en 1277 par l'évêque de Paris Étienne Tempier pour se rendre compte des résultats auxquels la réflexion métaphysique, actionnée par la dialectique et tournant dans le vide, avait abouti après un siècle. Ce que l'on y remarque de plus intéressant, c'est une tendance à opposer l'ordre philosophique à l'ordre théologique, en sous-entendant la supériorité du premier. Ils prétendent, dit le synode, qu'il est des choses vraies suivant la philosophie, quoiqu'elles ne le soient pas selon la foi, comme s'il y avait deux vérités contraires, et comme si, en opposition avec la vérité de l'Écriture, la vérité pouvait se trouver dans les livres de païens, dont il est écrit « Je perdrai la sagesse des sages ». La spéculation métaphysique eut, à défaut d'autres, le mérite d'exercer le mécanisme de la réflexion et d'inculquer aux hommes l'orgueil de leur raison. Si la plupart des penseurs du XIIIe siècle se sont occupés de théologie et de métaphysique, quelques-uns ont préféré appliquer leur activité à la philosophie naturelle, à la physique. Ce sont presque tous des étrangers. Alexandre Neckam, auteur d'un traité de la nature des choses, où les logiciens de l'école sont attaqués avec une grande véhémence, Alfred Langlais, Roger Bacon. Ce dernier, qui fut, suivant l'expression de M. Renan, le prince de la pensée au Moyen-Âge et un positiviste à sa manière, a laissé une critique admirable de l'enseignement en vigueur de son temps. Il a eu l'intuition des bonnes méthodes, et il est très intéressant d'apprendre de sa bouche qu'il eut des amis, des maîtres et des disciples qui partagèrent ses idées, ses haines et ses ambitions. Quand Roger Bacon arriva à Paris, l'université scolastique était dans tout son éclat. Il ne s'attacha point cependant aux professeurs en renom, mais à des hommes savants et modestes, Maître Nicolas, Maître Jean, Maître Pierre, dont il nous a laissé les plus pompeux éloges. Dans ce cénacle obscur, on jugeait fort librement les hommes et les méthodes du jour. On discernait tous les vices dont la scolastique est morte. Le premier de ces vices, c'est le respect exagéré de l'autorité. Autorité d'Aristote et des docteurs, dont les scolastiques se servaient comme s'ils en avaient possédé des textes excellents, alors qu'ils n'avaient entre les mains que des textes corrompus. Autorité tirée du consentement universel. Ce vice n'échappait point aux amis de Bacon. Sans doute, il faut respecter les anciens et se montrer reconnaissant envers ceux qui nous ont frayé la route, mais non pas oublier qu'ils furent hommes comme nous et se sont trompés plus d'une fois. Aristote lui-même n'a pas tout su, quoi qu'on en dise. Il a fait ce qui était possible pour son temps. Secundum possibilitatem sui temporis. Mais il n'est pas parvenu au terme de la sagesse. Les saints ne sont pas non plus infaillibles. C'est un misérable argument que de s'appuyer sur la tradition. L'autorité n'a pas de valeur si l'on en rend compte. Non sapit nisi tatur eius ratio. Elle ne fait rien comprendre. Elle fait seulement croire. Elle s'impose à l'esprit sans l'éclairer. Encore, si l'on possédait les paroles véritables de ceux qui sont tenus pour les autorités, mais il vaudrait mieux que la philosophie d'Aristote n'eût jamais été traduite que de l'avoir été comme elle l'est. On voit des gens qui y perdent 20, 30 années de leur vie. Et plus ils s'y appliquent, moins ils en savent. Ces observations critiques sont accompagnées dans les écrits de Bacon de remarques non moins pénétrantes sur un autre point faible de la méthode scolastique, sa confiance exagérée dans la vertu des raisonnements réguliers. L'abus des distinctions verbales. En ce qui touche le raisonnement, dit-il, on ne peut distinguer le sophisme de la démonstration qu'en vérifiant la conclusion par l'expérience et par la pratique. Les conclusions les plus certaines des raisonnements laissent à désirer si l'on ne les vérifie pas. Bien qu'Aristote ait défini la science, le syllogisme qui fait savoir, il y a des cas où la simple expérience fait mieux connaître que tout syllogisme. Il y a 1000 erreurs enracinées qui proviennent de la pure démonstration, des nuda démonstrationnés, mais la scolastique repose tout entière sur l'autorité et sur le raisonnement. Bacon n'hésite pas à la rejeter tout entière. Voilà pourquoi les secrets les plus importants de la sagesse restent inconnus de nos jours à la foule des savants, faute d'une méthode convenable. Et ailleurs, tous les modernes, sauf quelques exceptions, méprisent les sciences, et surtout ces théologiens nouveaux, les chefs des mineurs et des prêcheurs, qui se consolent ainsi de leur ignorance et étalent leur vanité aux yeux d'une multitude imbécile. À la place de la méthode qu'ils déclarent puérile, du docteur irréfragable et du docteur angélique, Bacon propose celle de ses maîtres, Maître Pierre, Maître Robert Grosstedt, évêque de Lincoln. On peut opposer à cela l'exemple du seigneur Robert, naguère évêque de Lincoln, de sainte mémoire. Lui, il a complètement désespéré d'Aristote. Il a cherché une autre voie. Il a recouru à l'expérience et, sur les mêmes questions dont traite le philosophe, il est parvenu à découvrir pour lui et à exposer pour les autres la vérité 100 000 fois mieux qu'on ne pourrait le faire en étudiant de détestables traductions. L'Opus Tertium contient une définition tout à fait nette de l'expérience scientifique et des prérogatives de la science expérimentale. Il y a une expérience naturelle et imparfaite qui n'a pas conscience de sa puissance, qui ne se rend pas compte de ses procédés, à l'usage des artisans et non des savants. Au-dessus d'elle, au-dessus de toutes les sciences spéculatives et des arts, il y a la science de faire des expériences, et cette science est la reine des sciences. Domina scientiarum omnium et finis totius speculationis. L'opus minus contient un plan complet de restauration des études qu'un homme du XVIe siècle aurait pu signer. Avant tout, selon Bacon, il faut retrouver l'antiquité véritable. Pour cela, il importe d'apprendre la grammaire, les langues, le grec, l'hébreu. Il faut aussi revenir à la beauté rhétorique des anciens, aux élégances passées qui contrastent si fort avec la forme repoussante des ouvrages actuels. Le latin seul ne peut que prolonger l'ignorance des théologiens et des savants. Après la grammaire, les mathématiques, et surtout les mathématiques appliquées. Les physiciens doivent savoir que leur science est impuissante s'ils n'y appliquent le pouvoir des mathématiques. Suivent des considérations motivées, et souvent d'une étonnante lucidité, sur l'enseignement et la place dans la hiérarchie des sciences de la logique, dont il réduit singulièrement le rôle, de la métaphysique, de la philosophie en général, du droit civil et canonique. Malgré son ton tranchant, sa confiance en ses propres lumières et en celles de ses amis, le réformateur ne se fait point du reste d'illusions sur l'état présent des connaissances. Quand un homme vivrait pendant des milliers de siècles dans cette condition mortelle, jamais il n'atteindrait à la perfection de la science. Il ne saurait se rendre compte aujourd'hui de la nature d'une mouche, et il se trouve des docteurs présomptueux qui croient la philosophie achevée. Il y avait donc, au XIIIe siècle, des hommes capables d'apprécier sainement la scolastique, et qui, si on leur avait mis entre les mains les moyens d'action que Bacon ne s'est jamais lassé de demander aux princes et aux papes, auraient inauguré une véritable renaissance. Mais Roger Bacon et ses amis ne furent pas entendus. Malgré la bienveillance du pape Clément IV, Roger lui-même fut persécuté par l'ordre des franciscains, auquel il appartenait. On raconte que les mineurs, pleins d'horreur pour les ouvrages de leurs confrères, en fixèrent les manuscrits avec de longs clous sur des planches où ils les laissèrent pourrir. La littérature en latin au XIIe et XIIIe siècle. Nous en avons assez dit sur le régime des écoles du XIIe siècle pour donner à penser que ce temps fut fécond, dans le monde des clercs, en écrivains lettrés. La littérature savante, c'est-à-dire écrite en latin par opposition à la littérature en langue vulgaire du XIIe siècle, est en effet très abondante. On ne la lit guère aujourd'hui, mais elle ne laisse pas d'avoir du mérite, de la force et de la grâce. Qu'il suffise de citer ici, parmi les poètes, Gautier de Châtillon, qui, dans son Alexandréide, a très heureusement versifié la légende d'Alexandre le Grand. Hildebert de Lavardin, évêque du Mans, dont quelques pièces ont paru si parfaites à des critiques modernes qu'ils les ont crues de quelque ancien. Bernard Sylvestre, dans son Mégacosmus et Microcosmus, fut le très habile interprète de la théosophie platonicienne. Alain de Lille, l'auteur de l'Anticlodianus et du De Plantu Naturae, n'a pas été moins noblement inspiré par la muse mystique. Pierre le peintre et Philippe de Grève ont excellé en un genre bien différent. Ce sont des trouvères d'église, libres, hardis, satiriques. Leurs œuvres sont parmi les meilleures dans la collection des petits poèmes, pour la plupart anonymes, en vers latin, rythmique ou métrique, que les copistes des manuscrits attribuent arbitrairement à un certain évêque Colias, à Primat d'Orléans ou à Walter Map. La poésie lyrique religieuse qui fait pendant à cette poésie lyrique profane des Goliards produisit aussi au XIIe siècle quelques-unes de ses plus belles fleurs. Les hymnes d'Adam de Saint-Victor sont très justement renommés. La chaire chrétienne fut alors illustrée par des orateurs corrects et parés, tels que Geoffroy Babion, Écolâtre d'Angers, Adam de Persène, Saint Bernard, qui emplit l'Occident des éclats de son véhément mysticisme, et la Pléiade des chanoines réguliers de Saint Victor. Hugues, magister Hugo, si savant et si tendre, le maître vénéré des Victorins, Achard, Richard, Absalon. Nommons encore au premier rang des humanismes Jean de Salisbury, le Montaigne de son temps, Pierre de Blois, Mathieu de Vendôme. Parmi les moralistes, Pierre le Chantre, l'auteur du Verbum Abbreviatium. Parmi les chroniqueurs, Otto de Freisingen et Guillaume le Breton. De cur Deus homo, de Saint Anselme. Le Sic et non, d'Abeillard. Le Sex Principium Liber, de Gilbert de la Porée, ont exercé la plus profonde influence sur la littérature philosophique et théologique de l'âge suivant. Les sentences, Sententiarum Libri, 4, de Pierre le Lombard, évêque de Paris mort en 1160, ont été commentées assidûment dans l'école pendant 3 siècles. Ce livre a fait douter, discuter, disserter des générations de bacheliers. L'Historia Scholastica de Pierre le Mangeur, ce compilateur infatigable, Librorum Manducator, est le Rational ou traité des offices liturgiques de Jean Bellette, sont aussi restés classiques. Ils ont été très souvent copiés au Moyen-Âge, et les premiers imprimeurs, qui ont édité du reste une bonne partie des écrits du XIIe siècle, en ont encore, en pleine Renaissance, multiplié les exemplaires. Le XIIIe siècle fut marqué, nous l'avons vu, par la disparition complète de toute littérature d'agrément. Dans ce siècle fertile en doctes et sagaces philosophes, dit M. Oréo, cherchez un poète. Vous n'en trouverez pas un. Si quelque humanisme attardé s'était avisé de composer alors une Alexandréide, il n'aurait fait qu'exciter des sourires de pitié. De petites pièces rythmiques, soit pieuses, soit obscènes, voilà toute la poésie de ce temps-là. Ainsi, plus de poètes. Quant aux prédicateurs, ils dédaignent désormais la rhétorique abondante, la gravité noble, les allégories compliquées qui jadis étaient de mise. Ils sont familiers, quelquefois vulgaires. Jacques de Vitry, Robert de Sorbonne, Nicolas de Biard, les plus agréables de ces causeurs sans prétention, auraient fort étonné Saint Bernard. Le bon franciscain Salim Ben, dont les mémoires ingénues paraissent aujourd'hui si savoureux, l'eût sans doute scandalisé. La littérature latine du XIIIe siècle, à l'exception des sermons familiers, des chroniques, Matthieu de Paris, Guillaume de Nangis, et des récits de voyage, est sortie tout entière de l'école et s'adresse aux écoliers, aux docteurs. C'est une littérature scolastique, rédigée dans une langue barbare et chiffrée, bien différente de celle que parlaient les logiciens lettrés du siècle précédent. Elle ne se compose guère que de traités didactiques de métaphysique et de théologie. Commentaires, postilles, sommes, questions, codes libétiques. Ces chefs-d'œuvre imposants par leur masse, ce sont les manuels de Guillaume Perrault et de Guillaume Durand, les gloses de Hugues de Saint-Cher, les compilations de Jean de Galles, les encyclopédies monumentales d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin, de Vincent de Beauvais. Rien de moins aimable que ces ouvrages. Car s'ils le font, comme l'a très bien vu Roger Bacon, n'en est pas solide. L'appareil extérieur en est très sévère. La scolastique du XIIIe siècle, en effet, a systématiquement appliqué la forme scientifique à l'examen des problèmes qui l'ont passionné, encore que ces problèmes ne fussent pas, n'aient jamais pu être objet de science. Cette erreur de méthode l'a desservie, à bon droit, auprès de la postérité. Quelques personnes goûtent encore sincèrement le mysticisme élégant, les allégories précieuses et quintessiencées des Victorins et des Cisterciens du XIIe siècle. Quant aux livres des contemporains de saint Thomas, on admire, à la vérité, l'effort que supposent ces merveilles de logique et d'abstraction, mais on ne saurait s'empêcher de les juger aussi rebutants que frivoles. Les théologiens, toutefois, n'ont pas cessé d'en tenir quelques-uns en grande estime. Le thomisme est resté la forme définitive, officielle, de la doctrine de l'Église en matière de philosophie. Par le thomisme abrégé, simplifié, accommodé au temps nouveau, la scolastique du Moyen-Âge s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Science et connaissance scientifique au XIIe et au XIIIe siècle. Les plus puissants esprits du Moyen-Âge ayant été absorbés par les spéculations ontologiques, les sciences positives ont fait, depuis l'introduction des ouvrages arabes jusqu'à la Renaissance, peu de progrès. Beaucoup de traités d'arithmétique et de géométrie du Moyen-Âge sont parvenus jusqu'à nous. Ceux de Gerland, chanoine de Besançon au XIIe siècle, et de l'école algorithmique au XIIIe siècle sont les plus connus. Mais d'une part, l'originalité en est médiocre. De l'autre, les auteurs ne s'y occupent guère que des applications pratiques usuelles de la science des nombres et de celle des lignes. La haute culture mathématique n'eut pas d'adeptes. De la géométrie des Grecs, on connaissait seulement les premiers éléments. À ce que les Arabes leur avaient appris d'algèbre et de trigonométrie, les Occidentaux, durant 300 ans, n'ont rien ajouté de notable. Il y avait parmi eux nombre d'architectes et d'ingénieurs experts, pas de mathématiciens. Ptolémée fut pour les Latins comme pour les musulmans l'Aristote de l'astronomie. Des opuscules sur l'astrolabe, sur le calendrier, sur la sphère, furent composés à profusion tant dans les écoles de l'islam que chez nous, depuis le milieu du XIIe siècle. Résumé au commentaire de l'Almageste, accompagné de tables, ces opuscules, dont le traité de la sphère de John de Hollywood, Johannes de Sacrobosco, fut longtemps le type classique, n'ont amélioré l'œuvre du maître que sur des points insignifiants. Quant à changer le fond du système, personne n'en eut alors l'idée. De même, en ce qui concerne la physique, les cadres de la science, tels que les Grecs les avaient constitués, restèrent intacts. En effet, il ne faut pas confondre la science et les connaissances. Ainsi, l'on a pu trouver les vers de Bésicle, ou même mesurer les pouvoirs réfringents des vers transparents, sans que la science de l'optique cessât d'être, comme au temps de Ptolémée, et jusqu'au XVIIe siècle, une application de la géométrie plutôt qu'une branche de la physique, comme nous l'entendons maintenant. Monsieur Cournot. La physique, comme l'astronomie, a été enrichie en Occident, au Moyen-Âge, par Roger Bacon et ses émules, de quelques faits nouveaux. Les théories générales de l'Antiquité n'ont pas été modifiées. Des observations analogues s'imposent enfin à propos de la chimie et des sciences naturelles. Sans doute, après les grands voyages de Rubruquis, de Plancarpin, de Marco Polo, après les expéditions faites par les Arabes bien au-delà des limites du monde connu des anciens, les Européens disposaient de connaissances que les savants de Rome et d'Alexandrie n'avaient pas eues. Les vieux cahiers de recettes techniques, transmis par les praticiens grecs, égyptiens, syriens, aux chimistes de Bagdad et de Cordoue, puis par ceux-ci à notre Occident, s'étaient enrichis en route de quelques formules nouvelles. Voyez cependant les ouvrages d'histoire naturelle qui ont joui au Moyen-Âge d'une grande popularité. Le Physiologus, les zoologies de Gervais de Tilbury, de Thomas de Quintin-Pré, d'Albert le Grand, de Vincent de Beauvais. Les livrets sur les propriétés des choses. Lisez d'autre part les traités anonymes de chimie qui ont foisonné surtout à partir de la fin du XIIIe siècle. Ni sur la configuration ou sur l'histoire du globe terrestre, ni sur les forces qui s'y déploient, ni sur les lois qui gouvernent les éléments et la vie, on ne trouve dans tout cela d'idées justes et nouvelles. En résumé, la civilisation est redevable au Moyen-Âge de plusieurs découvertes utiles. Lunettes, alcool, poudre, perfectionnement de la stéréotomie, des tables astronomiques, des instruments de navigation, de la technique industrielle, etc. Des faits furent observés, recueillis, mais ils ne cristallisèrent pas en conception scientifique. Des essais d'explication des phénomènes astronomiques et chimiques furent, à la vérité, proposés. Mais des dialecticiens, habitués aux subtilités verbales, ne pouvaient qu'obscurcir par des rêveries les problèmes de la philosophie naturelle, dont ils ne possédaient pas, d'ailleurs, toutes les données. De là, l'astrologie et l'alchimie, formes mystiques, scolastiques, formes stériles de l'astronomie et de la chimie. Dire que Roger Bacon lui-même en a partagé les illusions, c'est dire que tout le monde était condamné, au XIIIe siècle, à sombrer sur ces deux écueils. Fin de la section 51.